seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié. Un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok, ok, bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer au marin sur la mer, au gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok, ok, bien.